Dans Parole d'expert, Fabien Noirot, directeur du développement Grand Compte et ESS chez Harmonie Mutuelle, nous parle de l'absentéisme en entreprise. L'absentéisme touche 50% des salariés. Chez Harmonie Mutuelle, nous aidons les entreprises à trouver des solutions pour limiter l'absentéisme. Nous proposons aussi une couverture prévoyance complète et sur mesure pour éviter ou limiter la perte de revenus des salariés. Enfin, la garantie prévoyance s'opère dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise. C'est du gagnant-gagnant. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. En ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, parlons un peu théorie féministe. Partons aux États-Unis où le féminisme actuel est loin de constituer un bloc monolithique. Quels sont les débats et désaccords qui les traversent ? L'Amérique féministe est moins unifiée qu'on le croit parfois. Et toutes les divisions jettent la lumière sur les concepts qui sont agités dans la théorie féministe contemporaine. Je vous propose d'évoquer surtout quatre noms ce matin, ceux de Catherine MacKinnon, de Judith Butler, de Martha Nussbaum et de Kimberly Crenshaw. À elles quatre, ces théoriciennes posent les enjeux à la fois de la pensée féministe et des luttes féministes aujourd'hui. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Lollier-Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de faire une thèse de doctorat à New York à la prestigieuse New School for Social Research. Vous travaillez sur les notions de sujet, de souffrance et de domination en circulant entre les théories féministes contemporaines et la théorie critique de la première école de Francfort, notamment d'Adorno. Bienvenue aussi à Misha Schumann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et chercheuse, physicienne de formation. Vous vous intéressez à la sociologie et votre engagement féministe vous a conduite à réfléchir à l'intersectionnalité, concept qu'on doit à Kimberly Crenshaw et que nous allons expliquer ce matin, mais encore à coécrire le dernier ouvrage de Catherine MacKinnon, Le viol redéfini, vers l'égalité contre le consentement, ouvrage paru directement en français grâce à vous, Misha Schumann, fin 2023 chez Flammarion. Vous vous révoltez dans le deuxième sexe contre la condition féminine actuelle. Je ne me révolte pas exactement. Je pense que, oui, ce n'est même pas exactement une protestation, j'essaie surtout de la décrire, parce que je pense qu'il est bon toujours de prendre conscience de ce qui est. Ceci dit, la protestation, ce serait une chose bien vaine, puisque ça n'est pas ni l'affaire des hommes ni celle des femmes, alors qu'il est de pouvoir en un coup de baguette magique la transformer. Ça aussi, la question de la femme est liée à toute la question du travail, de la main-d'œuvre et du chômage, par conséquent aussi des besoins, de la rareté, de la richesse, etc. Alors vous ne tenez pas seulement les hommes responsables de la condition actuelle de la femme ? Ni les hommes, ni les femmes, ni personne en particulier, mais plutôt tout l'ensemble du monde tel qu'il est. Parce que les femmes seraient amenées à travailler, ce qui est pour moi la véritable libération, s'il y avait du travail pour tout le monde, et il y aurait du travail pour tout le monde, si, encore une fois, il y avait moins de rareté, s'il y avait plus d'abondance. Est-ce que vous-même, vous avez souffert d'être femme ? Non, jamais. C'est ce que j'explique dans mes mémoires. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup trompé. Si on a cru que le deuxième sexe, c'était un livre de revendication, à vrai dire, je ne m'étais même pas souciée de ce problème jusqu'au moment où, à travers les autres femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, dont j'ai vu l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait un malheur proprement féminin. Mais personnellement, non, parce que comme j'ai fait les études que j'ai voulu, comme je n'ai pas eu de difficulté à les faire, que je n'ai jamais trouvé d'hostilité parmi mes camarades, parce que quand même, des intellectuels de gauche, c'est ce qu'on peut trouver de plus ouvert et de plus libéral touchant cette relation entre hommes et femmes. J'en ai jamais souffert. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre Simone de Beauvoir en 1959 sur Radio-Canada. Et c'est donc ma première question, Marie Lollier-Simon. Est-ce qu'aux États-Unis, toutes les branches actuelles du féminisme, par-delà leurs différences que nous allons creuser ce matin, se sentent redevables envers Simone de Beauvoir ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne façon de présenter les choses. La réception du deuxième sexe aux États-Unis a été très importante pour toutes ces féministes, ces courants féministes différents. Je pense que dans le deuxième sexe, il y a aussi plusieurs choses qui ont été reprises par les féministes américaines. Il y a tout un débat sur la domination, sur ce qui la constitue en tant que système. Donc, au-delà des cas particuliers ou des sujets masculins qui pourraient ou féminins qui pourraient la reproduire, il y a toute une question sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on veut choisir pour notre société, toute une réflexion sur l'ambiguïté aussi du choix de ces valeurs, qui sont aussi des questions féministes au-delà des questions de violence sexuelle, qui sont aussi abordées évidemment dans le deuxième sexe, mais dans cet ouvrage en fait monumental, il y a aussi beaucoup de questions qui ont été reprises par beaucoup de courants féministes, que ce soit des courants libéraux, des courants radicaux ou des courants critiques dont on va parler aujourd'hui. Misha Schumann, vous êtes d'accord que ce soit Kimberly Crenshaw, que vous connaissez bien pour avoir repris son concept d'intersectionnalité, que ce soit Catherine McKinnon, avec laquelle vous avez écrit, que ce soit toutes les autres, par-delà les dissensions, la grande dette, c'est envers Beauvoir. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je trouve une idée qui est assez importante, c'est l'idée que la femme n'est pas sujet. Qui arrive souvent, la femme elle est exclue de ce statut de sujet, et je crois que c'est quand même une idée qui vient de Beauvoir, qui est assez importante. Je pense que ça a eu un impact assez important dans le féminisme américain, Et qu'est-ce que vous auriez à dire de ce propos qu'on vient d'entendre de Simone de Beauvoir, le fait qu'elle n'accuse personne en particulier de la domination sur les femmes, ni les hommes, ni les femmes, dit-elle, c'est un système de domination, propos qui rend aussi complexe, me semble-t-il, les voies de l'émancipation. Comment peut-on changer un système alors que, justement, il est très élaboré, il est difficile de dire qui est responsable et contre qui exactement et quoi il faut lutter pour le faire bouger. Oui, je pense que ça, c'est une idée. Par exemple, Catherine McKinnon, elle aussi a cette idée de domination. C'est que c'est partout, c'est autour de tout le monde, et de se libérer de ça, il faut s'en sortir. Donc, je pense elle n'accuse pas les hommes plus que les femmes. Elle voit ça comme un système qui est partout dans la société, partout autour de nous. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont d'accord, qui vont retrouver cette idée que c'est pas les hommes contre les femmes. Je pense que c'est quand même une chose importante. Et je pense surtout aujourd'hui, quand on voit les débats féministes, on voit les queer rights, les droits des personnes LGBTQ, oui. On voit les femmes trans, les personnes non binaires. Donc, je pense que tout ça, on peut pas diviser que ce sont les hommes contre les femmes. Et je pense que c'est une idée beauvoirienne qui est toujours avec nous. Vous êtes d'accord, Marie-Lolie Simon, parce que c'est vrai qu'il y a une vision en France des féministes d'aujourd'hui, peut-être même certaines d'hier, en France et aux États-Unis, parfois surtout aux États-Unis, on les voit comme vraiment se battant contre les hommes. C'est une vision, alors peut-être fausse, mais assez répandue. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut nuancer cela? Non, ça ne cible pas, alors certains disent le mâle blanc, occidental, en voulant désigner comme un ennemi, mais ça désigne un système de domination où il n'est pas si simple de dire qui est responsable. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses dans votre question. La première, c'est qu'en effet, un système de domination, ça ne marche pas tout seul. Ça a besoin de sujets pour marcher. Donc le problème, en fait, c'est pas tant qu'il y ait des cas individuels de violence ou des cas individuels de domination, c'est qu'on peut pas les isoler, ces cas. Ça fait partie d'un système, et donc, mais ce système ne vit pas tout seul. Il a vraiment besoin de sujets pour se répandre dans la société. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de théories sociales, mais aussi de théories juridiques, d'institutions politique, on a besoin de toutes ces choses-là pour lutter contre ce système, et pas seulement des outils juridiques, par exemple. Bon, et la deuxième partie de votre question, c'est plus est-ce qu'il y a un ennemi principal ? Oui. Est-ce qu'il y a... Bon, alors, le problème, en fait, c'est que la plupart des dominations, elles se fondent quand même sur une idée abstraite de l'être humain. Donc, comme une sorte d'idée que l'être humain serait abstraitement telle ou telle chose, qui aurait telle ou telle capacité, qui aurait telle ou telle volonté d'agir, etc. Et la plupart des systèmes de domination se fondent sur cette idée de l'être humain abstrait, qui est en fait pas du tout abstrait, qui est en fait calé sur des modèles d'un être humain plutôt parfait, qui serait l'homme riche, blanc, européen, avec de la culture, etc. Et donc, ce que ces féministes ont révélé à la suite de Beauvoir, c'est qu'il n'y a pas de sujet vraiment abstrait. Il y a des sujets qui ont été constitués par une société, par des normes, parce qu'ils sont nés dans une société, qu'ils les ont fait d'une telle manière. Et toutes ces questions de normativité, justement, sont explorées après par Judith Butler, par McKinnon aussi, dans une certaine mesure, et dans des autres féministes dont on va parler aussi aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par deux juristes, les deux juristes des quatre féministes que nous allons évoquer ce matin. Elles sont professeures de droit, Kimberly Crenshaw et Catherine McKinnon. Alors, McKinnon est née en 1946, commençons par elle. Elle s'est fait connaître, elle est célèbre pour cela, et c'est un vrai combat gagné largement qu'elle a mené. Elle est à l'origine de la définition du harcèlement sexuel dans la loi américaine, la loi aux États-Unis, reconnue par la Cour suprême en 1986, loi sur le harcèlement sexuel, qui a trouvé aussi une déclinaison française à partir de 1992. Elle s'est engagée aussi fermement, dès les années 1980, contre la pornographie. Je vous propose d'écouter d'ailleurs tout de suite un texte d'elle dans son ouvrage « Ce ne sont que des mots », en anglais « Only Words », un ouvrage de 1992. La pornographie ne se contente pas d'exprimer ou d'interpréter le vécu. Elle s'y substitue. Elle ne se contente pas de véhiculer un message tiré de la réalité. Elle se substitue à la réalité. Elle est existentiellement présente. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne marque pas la réalité de son empreinte. Tant s'en faut. Pour faire de la pornographie visuelle et répondre à ses impératifs, il faut que le monde, en l'occurrence les femmes, fasse ce que les pornographes veulent dire. La pornographie apporte au consommateur les conditions qui servent de contexte à sa production. La domination sexuelle. À travers sa réalisation et son utilisation, la pornographie transforme le monde en un espace pornographique et définit ce que les femmes sont censées être, comment elles doivent être vues et traitées. Elle construit ainsi la réalité sociale de ce qu'est et doit être une femme en se fondant sur ce qui peut lui être fait, et la réalité sociale de ce qu'est un homme en se fondant sur la mise en pratique de ce qui peut être fait à la femme. À mesure que la société est envahie par la pornographie, on observe un changement des facteurs d'excitation sexuelle et de la nature de la sexualité du point de vue de la place qui occupe la parole. Les mots et les images deviennent, à travers la masturbation, le sexe lui-même. À mesure que se développe son industrie, la pornographie est de plus en plus assimilable à la sexualité dominante, les femmes qu'elle utilise devenant de plus en plus l'archétype vivant de la sexualité des femmes selon l'expérience des hommes, et donc des femmes. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Et ce texte de la théoricienne féministe Catherine McKinnon est élu, le texte sur la pornographie, est élu par Shaima Giboire de notre équipe. Misha Schumann, vous avez écrit avec Catherine McKinnon, vous connaissez très bien son travail. Est-ce que pour elle, au fond, ce qu'il faut cibler malgré tout, c'est l'excitation sexuelle masculine, hétérosexuelle? Il y a quelque chose là qui ne va pas, qui est excité aussi par la pornographie. Est-ce que ça signifie qu'il faut oser dire, pour elle en tout cas, que la racine du mal est là, c'est-à-dire dans l'hétérosexualité, en tout cas telle que culturellement elle s'est développée en Occident? Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de On parle beaucoup de ces idées autour de la sexualité, du désir masculin et l'impact que ça a sur notre société. Je pense ce qui est important et ici essentiel, et c'est un rapport avec ce dont on parlait avant de qui est l'ennemi. Je pense que la pornographie, en fait, a un impact sur les garçons et les hommes, et surtout beaucoup de militantes qui sont contre la pornographie évoquent ça. Et beaucoup disent que, en fait, elles sont contre la pornographie parce que elles croient que les garçons et les hommes valent mieux que ça. C'est une chose, je crois, assez importante de comprendre, parce que pour Catherine MacKinnon, l'important, c'est que la pornographie devient sexualité. La pornographie devient le vécu des femmes. Et c'est quelque chose qu'on voit. Mais on peut dire qu'elle a des théories là-dessus, mais on voit que c'est du vécu. Il y a des femmes de plus en plus qui se rendent compte, qui parlent de ça, comment elles sont traitées dans leur rapport avec des hommes. Donc, c'est une idée. Donc, du désir, c'est en fait la pornographie et le monde créé par la pornographie dans lequel on est en train de vivre pour l'instant. Donc, je pense que ça rejoint, ça ajoute un élément important qui a pas, les hommes sont pas l'ennemi, c'est comment on crée les hommes qui pensent comme ça, comment on crée les hommes qui agissent comme ça envers les femmes. C'est ça, en fait, je pense, ce qu'elle essaye de combattre. Donc, il est clair pour Catherine MacKinnon que comme vous l'avez dit, je reprends vos mots, les hommes valent mieux que ça. Oui. Donc, la racine du problème de la domination des femmes n'est pas l'hétérosexualité. Je veux dire par là, pour faire référence à une autre théoricienne antérieure qui revient vraiment sur le devant de la scène, Monique Wittig. Oui. Catherine MacKinnon ne pense pas, comme Monique Wittig, qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'hétérosexualité elle-même. Non. Je pense que ce qui l'intéresse à Catherine MacKinnon, et c'est vraiment ce qui l'intéresse, c'est l'impact de la domination sur nous toutes et tous. Et je pense que ce qui est aussi important, je crois que Butler a été très impacté par Wittig et le travail de Wittig. Pour Catherine MacKinnon, je pense une chose importante, c'est que pour elle, c'est très concret. Elle cherche des solutions concrètes. Donc, pour elle, elle s'intéresse moins aux questions de désir ou de, elle s'intéresse à l'impact et au mal. Et à une industrie. Une industrie, voilà. Et le droit peut agir. Voilà. Oui. Le droit peut agir et une industrie qui, en fait, est en train de faire partie de ces hiérarchies. Parce que, on a une hiérarchie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que deux éléments dans cette hiérarchie. Mm-hmm. Et je pense que parfois on comprend le travail de Catherine MacKinnon et on dit, et Butler d'ailleurs, je pense, elle dit d'une façon erronée que ce sont les hommes et les femmes et c'est tout. Je pense que c'est plus compliqué pour Catherine MacKinnon, mais il y a quand même une position homme-femme. Et il y en a d'autres qui sont autour et dans d'autres points sur l'hiérarchie. Mais je pense que c'est une analyse marxiste des rapports sexuels, d'une façon, ce que Catherine MacKinnon fait. Alors marxiste, on va peut-être y revenir, parce qu'en même temps, si on peut changer les choses par le droit, c'est ça d'ailleurs être un liberal aux États-Unis, on peut agir par les normes juridiques. C'est que c'est quand même un marxisme un petit peu, comment dirais-je, aménagé. Hein. Le droit peut beaucoup plus que chez Marx. Je dis, c'est juste pour faire un lien entre l'analyse économique qui a été fait des classes, des hiérarchies. Donc d'une façon vraiment théorique, pas pas dans ce qu'elle fait du niveau juridique. Donc ça, d'accord. C'est... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marie Lollier-Simon? Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de McKinnon? Judith Butler vient d'être d'emblée citée comme ayant une approche différente. Mm-hmm. On va y revenir. Mm-hmm. Mais vous pouvez déjà peut-être essayer de nous éclairer sur ces différences. Est-ce que c'est la domination, la racine de la domination et donc du mal féministe, que les féministes combattent, qui est perçue différemment chez McKinnon et chez d'autres? Oui, alors si on repart de ce qu'on disait sur Beauvoir, justement, que la domination est un système, donc elle a besoin de sujets, mais elle a aussi besoin de mécanismes pour se reproduire. Et ces mécanismes, McKinnon en identifie un important, qui est la pornographie, qui est donc, comme vous l'avez dit, une industrie, mais aussi un espace de représentation des corps et des sujets. Et en effet, la grande thèse de McKinnon, c'est de dire « la pornographie ne fait pas que représenter une violence de laquelle on pourrait se distancer ou critiquer, elle remplace notre vécu sexuel. Elle est notre vécu sexuel. Mmh. Donc c'est une thèse extrêmement forte parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de distance possible entre le message et le médium. C'est-à-dire que la pornographie devient la sexualité. Et donc elle continue un peu l'entreprise beauvoirienne de démystification, de dénaturalisation, de découpler ce qu'on pense être la sexualité normale et ce qui permet de comprendre cette sexualité comme pas normale justement, mais créée par une société. Mmh. Et la pornographie, clairement, est une industrie, une vraie industrie, qui crée des images, qui crée ces vécus de sexualité. Et donc, comme le disait Michel Schumann, les hommes veulent mieux que ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est notre désir vaut mieux que ça. Pas seulement. Quand vous dites nous, c'est les hommes, les femmes. Non, tout le monde, oui. Les non-binaires. Tous les sujets appartenant à une société. Notre désir en tant que tel vaut mieux que ça. Vaut mieux que cette industrie nous propose. Et pour revenir aussi à ce que vous disiez sur l'hétérosexualité, le problème, c'est pas l'hétérosexualité, c'est l'hétérosexualité obligatoire, qui est performée d'une certaine manière, comme la pornographie veut nous le faire croire, c'est-à-dire un homme actif et une femme passive, et nous enfermer dans des rôles comme ça, qui seraient normalement la sexualité comprise. Et donc cette thèse de Catherine McKinnon, elle est très forte, elle a eu un retentissement énorme sur la société américaine, sur d'autres sociétés dans le monde. Mais elle a aussi les inconvénients de ses avantages. C'est-à-dire qu'elle a une efficacité politique extrême, parce qu'elle est très claire dans la radicalité de la violence de la pornographie. Mais du coup, elle nous empêche un petit peu de penser les nuances des réactions qu'on peut avoir par rapport à cette pornographie. Mmh. Ce sera après la critique de Butler, qui lui dit « Tu ne comprends le genre et la sexualité que comme un principe de domination ». Donc on a dit le terme marxisme, donc on peut dire qu'en fait l'idée c'est que le genre distribue le pouvoir dans la société de manière différenciée et donc inégalitaire. Mmh. Et ça c'est comme la division du travail social chez Marx, et on divise le pouvoir social en fonction non pas de la classe là mais du genre, du sexe. Et Butler va lui dire, écoutez, peut-être que en effet le genre et le sexe est un principe de domination, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un principe qui fait des sujets. Ce sont des normes qui nous permettent aussi de vivre, de nous reconnaître. Donc les femmes notamment peuvent agir sur ce que la société, l'histoire, la culture ont fait d'elles. Oui, et c'est-à-dire que si on veut réguler la pornographie, parce que Butler n'est pas du tout contre la régulation de la pornographie, mmh, elle pense tout à fait que c'est un problème, c'est une industrie qui véhicule des images très néfastes pour les femmes. Mais elle demande comment est-ce qu'on régule ? Comment est-ce qu'on régule ? Est-ce qu'on donne tout le pouvoir à l'État ou aux structures juridiques de réguler ? Ou est-ce qu'on doit laisser quand même une capacité au sujet de répondre à la pornographie en dehors du droit ? C'est-à-dire, par exemple, aussi dans des manifestations sociales, dans des réinvestissements parodiques. On pourrait imaginer des sortes de films pornographiques parodiques, ironiques, qui reprendraient ces codes pour les détourner, justement. On a le droit d'avoir aussi ces réponses-là qui ne peuvent pas que être des réponses cadrées par le droit. Alors, on va revenir à Judith Butler et à ce qu'elle appelle au fond la subversion, qui est le sous-titre de son ouvrage de 1990, Troubles dans le genre. C'est une réflexion sur la subversion aussi des stéréotypes construits liées au genre. Mais avant, je voudrais qu'on parle d'une autre juriste, parce que c'est quand même une spécificité américaine de penser qu'on peut agir par le droit. Et d'ailleurs, ça, c'est à la source peut-être d'une ambiguïté. On les appelle libérales, parce que c'est ça que ça veut dire aux États-Unis. Liberal, ça veut dire justement intervenir par le droit et réguler. Alors que chez nous, libéral, c'est plutôt le contraire. C'est précisément ne pas intervenir. Donc, comme il y a cette ambiguïté, je me permettais de le préciser. L'autre juriste, elle est un peu plus jeune, elle a 13 ans de moins que McKinnon, elle s'appelle Kimberly Crenshaw. Et en 1989, dans un article qui est devenu très célèbre à propos d'une affaire de licenciement chez General Motors, elle a noté que les femmes noires avaient été licenciées en premier, officiellement pour défaut d'ancienneté. Or, si elles avaient été embauchées plus tardivement que d'autres employés, c'est parce qu'elles avaient dû attendre la levée officielle des discriminations raciales d'une part, avec embauche d'hommes noirs, et de discriminations sexistes d'autre part, avec embauche de femmes blanches. Mais elles sont des femmes noires, elles ont été embauchées plus tard, et finalement, ce que, me semble-t-il, dit Crenshaw, c'est qu'elle se maintient sur elle quelque chose relevant encore des deux sortes de discrimination en quelque sorte cumulées. C'est le fameux concept d'intersectionnalité. Je vous propose de l'entendre dans la bouche même de Kimberly Crenshaw en 2017. L'intersectionnalité n'est qu'une métaphore qui permet de comprendre comment de multiples formes d'inégalité ou de désavantage s'accumulent et créent des obstacles qui, souvent, ne sont pas compris par les approches classiques de l'antiracisme, du féminisme ou de tout autre mouvement qui défend la justice sociale. L'intersectionnalité n'est pas une grande théorie. C'est un prisme pour comprendre certains types de problèmes. Les filles afro-américaines ont 6 fois plus de risques d'être expulsées que les filles blanches. C'est probablement un problème de race et de genre, mais pas seulement un problème de race ou seulement un problème de genre. Et voici un autre exemple que celui de General Motors, donné bien plus tard, puisque c'était en 2021, par Kimberly Crenshaw elle-même. On l'écoute, 2021 donc. Je suis tombée sur une affaire qui mettait en scène une femme nommée Emma de Graffenried. Elle représentait tout un groupe de femmes noires qui cherchaient de meilleures opportunités d'emploi dans une usine de construction automobile du Midwest. Elle était une épouse, elle était mère, elle appartenait à la classe ouvrière. Elle espérait vraiment améliorer le bien-être de sa famille en cherchant un autre type d'emploi que ceux qui étaient généralement réservés à une femme comme elle, domestique, concierge ou femme de ménage. C'était les types d'emplois qui étaient sous-payés et qui étaient généralement sans avantages sociaux. Ce n'était donc pas le genre d'emploi qui vous permettrait d'accéder à la classe moyenne. Elle essayait donc d'obtenir un de ses meilleurs emplois dans le secteur automobile. Elle a donc postulé pour un de ces postes, contrairement aux autres femmes noires, et elle a été refusée. After her denial, she sued the employer, claiming race and gender discrimination. Now, elle a donc poursuivi l'employeur en justice, invoquant une discrimination fondée sur la race et le sexe. Le juge qui a entendu l'affaire d'Emma a rejeté sa plainte, et il l'a rejetée parce que l'employeur en question avait déjà embauché des Afro-Américains. Et l'employeur avait aussi embauché des femmes. Du point de vue du tribunal, le fait d'avoir embauché des Afro-Américains et d'avoir embauché des femmes signifiait qu'il ne se livrait à aucune discrimination raciale ni à aucune discrimination fondée sur le sexe. Le fait que les Afro-Américains qu'ils ont embauchés n'étaient pas des femmes et que les femmes qu'ils ont embauchées n'étaient pas des Afro-Américaines n'a pas fait échouer l'argument selon lequel ces femmes n'étaient pas en mesure de prouver la discrimination parce que l'employeur avait embauché des Noirs et avait embauché des femmes. Du point de vue du tribunal, le problème était qu'Emma avait dit « J'ai été victime de discrimination », alors qu'elle aurait dû dire « J'ai été victime de discrimination en tant que femme et afro-américaine. J'ai été victime de discrimination en tant qu'afro-américaine et femme. » C'est ce qu'elle aurait dû dire. Et le tribunal a estimé que la loi ne lui permettait pas de combiner ces deux causes d'action en une seule. C'était la juriste et théoricienne féministe Kimberley Crenshaw, ici traduite par Riad Kera, et c'est Carla Michel de notre équipe qui lui a prêté sa voix en français. Misha Schumann, il est assez clair que les engagements de Crenshaw font écho à ce qu'on appelle le Black Feminism aux États-Unis, avec les noms importants de Angela Davis puis de Bell Hooks. Ça conduit à relier les problèmes de femmes et de discrimination et de domination à l'égard des femmes à d'autres problèmes, notamment la domination raciale. Est-ce que c'est important, cette ouverture? Est-ce que finalement aujourd'hui ça clive cette approche les féministes actuelles, ou au contraire au fond elles sont toutes assez d'accord? Je pense qu'elles sont toutes assez d'accord. Ça c'est je pense qu'on en est là. Il y a quelque chose, je vais citer d'un vraiment un slogan du Black Feminism qui était dans les années 80-90, et je vous dis c'est toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses. Et je pense que ça explique où on était à cette époque-là. Et on parle, pour moi, l'idée de l'intersectionnalité, du travail de Crenshaw, on parle que c'est en fait de joindre les femmes noires dans la catégorie femmes, et on parle ce que ça apporte aux femmes noires, mais on oublie que ça aussi apporte à toutes les femmes, parce que d'élargir l'idée d'une femme et comment les femmes ont été, l'idée de la femme a été construite autour de la femme blanche, cisgenre, etc. Je pense que l'intersectionnalité, ce n'est pas juste quelque chose qui ajoute pour les femmes noires, mais pour toutes les femmes. C'est donc de ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas, je ne vois pas de débat vraiment autour de ça chez les féministes. Je pense que je suis heureuse de voir qu'on en est là, parce que c'était pas évident. Vous êtes d'accord, Marie-Lolier Simon, les théories de Kimberley Crenshaw et la notion d'intersectionnalité font l'unanimité chez les féministes américaines? L'unanimité, je pense que c'est peut-être un petit peu fort. À mon avis, il y a quand même encore beaucoup de débats sur comment on approche cette intersection des dominations, qui sont en général un peu réduites à classe, race, genre, mais qui en fait, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que sur l'intersectionnalité, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce mouvement du féminisme noir américain repart en fait de l'idée que on ne peut pas penser la domination, ou en tout cas la domination des femmes noires telle qu'elle a été subie, si on ne repart pas de leurs expériences, dans leurs expériences empiriques de la souffrance. Et pour repartir de ces expériences, il faut repartir de catégories d'identité. On n'a pas le choix. Le but, c'est pas de caler une sorte de grille d'identité sur la réalité, c'est de dire on a besoin de repartir de notre expérience, de nos catégories d'identité, pour se saisir de l'analyse de la société. Et ça vient en fait de l'opposition classique entre une théorie idéale et une théorie critique. C'est-à-dire que la théorie idéale, elle crée des concepts abstraits, elle crée des idéaux abstraits, et elle va tenter de ramener les faits à ses idéaux. Elle va dire, voilà, dans la réalité, ce qui se passe, on n'a pas l'égalité, on n'a pas la justice. Nous, on a des conceptions abstraites de l'égalité et de la justice. On va essayer de ramener des réalités de faits à ces conceptions idéales. La théorie critique fait le mouvement inverse. La théorie critique dit, non, on va partir de manière immanente, c'est-à-dire à l'intérieur, on va partir à l'intérieur de la société, de ce qui s'y passe, des expériences de la souffrance qui vont nous ouvrir une voie sur l'objectivité, sur la façon objective dont le pouvoir circule dans la société. Donc l'intersectionnalité là-dessus, c'est une sorte de théorie critique, c'est-à-dire que ça repart de ces expériences internes à la société pour justement dénoncer des systèmes de pouvoir objectifs. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Quels sont les débats, accords et désaccords au sein du féminisme actuel aux États-Unis. C'est notre question ce matin. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et c'est la façon dont Avec Philosophie a souhaité recevoir cette journée et essayer de parler théorie féministe. Donc, je suis en compagnie de Micha Schumann et de Marie Lollier-Simon. Je voudrais à présent, après avoir évoqué Kimberlé Crenshaw et Margaret MacKinnon, nous reviendrons d'ailleurs à Margaret MacKinnon, évoquer Judith Butler. Alors Judith Butler, elle est née en 1956 et elle se fait connaître, c'est un livre qui a un énorme succès, en 1990 par Gender Trouble, Trouble dans le genre, sous-titre le féminisme et la subversion de l'identité. Pourquoi, s'il est possible de l'expliquer simplement, pourquoi Marie Lollier-Simon, est-ce un livre décisif? Est-ce d'ailleurs un livre aussi important qu'on le dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. C'est un livre très important qui a d'ailleurs un peu échappé à Judith Butler elle-même, qui en parle souvent en disant qu'elle ne s'attendait pas du tout à la réception de ce livre tel qu'il a été reçu. Alors, pour résumer très simplement l'argument de Gender Trouble, ou de Trouble dans le genre, l'idée c'est que Butler tente de déstabiliser un peu la distinction sexe-genre, qu'on a compris depuis Beauvoir comme recoupant en fait la distinction biologie-culturelle. Le sexe serait la biologie et le genre serait le culturel. Butler tente de troubler un peu cette espèce de direction unilatérale de la biologie au culturel. Mais pas pour effacer le biologique ou pour annuler cette distinction, comme des commentateurs assez malveillants ont voulu nous faire croire. C'est pas du tout ce qui se passe dans ce livre. Ce livre nous montre que le sexe et le genre ont besoin l'un de l'autre pour être compréhensibles dans la société et ont besoin l'un de l'autre pour nous faire comprendre ce que c'est qu'un sujet, en fait. Comment sont les sujets? Donc, tout, très simplement, ça veut dire que le sexe en tant que biologique est toujours déjà un discours informé par le genre, et le genre en tant que discours culturel est toujours déjà aussi, lui, informé par le sexe, comme catégorie. Alors, il y a plusieurs dettes quand même théoriques de Judith Butler. Ça simplifierait peut-être de les donner tout de suite. Bien sûr. La notion de déconstruction, notamment fortement travaillée par Jacques Derrida. On peut donc déconstruire ce qui a été construit qui forme le genre. Et puis, je crois que c'est très important, parce qu'il n'y a pas que la déconstruction, il y a la performativité, l'idée qu'on peut, par des représentations des paroles, des propos, des images, agir en sens contraire, réaliser, performer, dirait-on en anglais, pour faire évoluer justement, pour changer les conceptions du genre. Et ça, c'est une dette, mais certains disent qu'elle a été très infidèle néanmoins au personnage que je cite maintenant, John Langshaw Austin, auteur en 1962 d'un livre qui s'appelle « How to do things with words »,« Quand dire c'est faire ». Austin a développé cette idée de performativité. Elle l'a reprise, Butler ? Oui, tout à fait. Elle l'a reprise, elle l'a adaptée assez créativement, mais de la même manière pour la déconstruction. Si vous me permettez de commencer d'abord par la déconstruction. Je vous en prie. Je pense que, déjà, la déconstruction, c'est pas vraiment un mot que Judith Butler utilise en tant que tel ou comme il est compris aujourd'hui. La déconstruction, ça veut simplement dire que c'est le geste critique qui équivaut à dire qu'il faut qu'on remette en cause les présuppositions qui nous font voir la réalité comme normale ou naturelle, alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout. Elle fait l'objet de choix humains en permanence, et donc on a besoin de remettre en question ces présuppositions pour peut-être ouvrir de nouvelles possibilités d'émancipation. Et la déconstruction, ça veut simplement dire que la réalité, elle est un peu construite sur des sortes de dualisme. Finalement, on oppose en permanence l'ombre, la lumière, les hommes, les femmes, le sujet, l'objet. Donc, tous ces sortes de dualisme, ils sont tellement intégrés dans notre pensée de la société qu'on a du mal à voir ce qu'ils provoquent. Mmh. Et donc, Judith Butler pense en fait que les sujets sont avant tout en train de négocier avec des normes. C'est ça le point important. C'est-à-dire qu'on est dans une société, et on doit négocier avec des normes qui tentent de nous faire. Oui. Voilà. Et donc, du coup, la performativité, c'est l'idée que ces normes, elles sont pas unilatéralement arbitraires. Elles sont pas une, elles ne nous enferment pas unilatéralement. Donc il y a du jeu possible, j'ai eu une marge oui, de des brèches possibles. C'est même pas des brèches, c'est-à-dire que genre on est nous-mêmes constitués par ces normes, mais on ne se pose qu'en s'opposant. Donc on doit aussi résister à ces normes pour se définir quelque part. On est toujours dans cette tension permanente entre des choses qui essayent de nous enfermer, de nous définir, et notre réaction à cet enfermement. Et la violence, elle vient de quelque chose d'autre que simplement cette négociation avec les normes. Alors, Misha Schumann, Judith Butler a critiqué MacKinnon. Bon, c'est des petites piques, hein, je ne crois pas que ce soit non plus une lutte intense, mais c'est clair dans un article de 1991, où elle dit que MacKinnon a le tort de penser une suprématie masculine comme un bloc face auquel les femmes ne pourraient rien faire. Bon, tant que c'est pas tout à fait vrai, elles peuvent agir par le droit, comme le montre MacKinnon. Mais est-ce qu'il est vrai que la fluidité de la subversion, par exemple chez Butler, ouvre un champ très différent, qui effectivement n'est pas très important pour MacKinnon? Je pense, oui, je comprends ce texte. Je crois que c'est celui de Transition ouais, dont vous parlez. Je suis pas d'accord avec cette, parce que je pense que plus que il y a très peu de femmes juristes, avocates qui ont fait autant pour changer que Catherine MacKinnon. Il y a les mots il y a un journaliste qui a dit que il a du mal à trouver une femme qui a eu plus d'impact sur la vie réelle des femmes que Catherine MacKinnon. Mais une chose qui est importante, c'est que si on voit autour du harcèlement sexuel, oui, si on voit autour des lois concrètes aux États-Unis, mais aussi en France, je pense que de dire que Catherine MacKinnon dit qu'on n'y peut rien, je me dis qu'il n'y a pas des moyens de changer ça, ou oui, que c'est pas du tout. C'est pas du tout le travail de Catherine MacKinnon. Donc là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je voudrais en revenir parce qu'une chose qui était importante, qui a été évoquée, c'était autour de la pornographie et l'intersectionnalité. Je sais que ça c'est un élément aussi dont on a parlé avec Kimberly Crenshaw et le travail de Catherine MacKinnon. Je crois que Catherine MacKinnon aussi, elle applique l'intersectionnalité à la pornographie aussi, parce que une chose dont elle parle souvent, c'est comment les femmes noires sont traitées dans la pornographie, comment les femmes racisées, etc. Donc ça, c'est... Je crois que c'est très clair. D'ailleurs, oui, on a passé du temps sur ce point, oui, et ça ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est un des enjeux, oui, surtout après avoir évoqué MacKinnon et Crenshaw, et je crois que là encore, les féministes sont toutes d'accord. Oui. Dans le texte de Butler, qui critique MacKinnon, ce qu'elle dit essentiellement... Marie Lollier-Simon, Butler dit que MacKinnon a une conception de la domination des hommes sur les femmes et qu'elle, elle veut passer à une conception du pouvoir des hommes sur les femmes, ce qui laisse plus de brèches possibles. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette critique, vous paraît juste, ou au contraire, si Butler... malgré tout, ne fait que prolonger ce qui est l'histoire du féminisme. Il faut quand même trouver des brèches dans le système. MacKinnon en trouve aussi. Juridiquement, il y a des luttes à mener. Ou bien vous pensez qu'il s'agit là d'une articulation, d'un problème vraiment, d'une opposition vraiment importante au sein du féminisme? Alors oui, je pense qu'il y a quand même une opposition assez importante. Mais je pense que l'argument de Butler n'est pas tout à fait celui-ci. Je pense que l'argument, c'est de dire le pouvoir prend beaucoup de formes différentes. Et il prend comme forme la domination, qui a des effets radicalement visibles de violence, qui défend littéralement des vies, qui défend le lien social. Et c'est pas du tout une remise en cause de l'ambiguïté de la violence. La violence, elle n'est pas ambiguë, elle est radicale. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Non, pas du tout. Non, mais parce que parfois on la comprend comme ça, mais c'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit que en revanche, le pouvoir lui fonctionne de manière ambivalente. Le pouvoir fonctionne de manière ambiguë. Donc il faut séparer en fait cette ambiguïté de la façon dont le pouvoir fonctionne et la radicalité des effets. Il faut pouvoir penser ces deux choses-là ensemble. Et le geste théorique de MacKinnon, qui a une effectivité sûre, qui est intéressant pour ça, qui en fait se met à la hauteur de la radicalité de la violence, et donc qui répond à la radicalité de la violence par une sorte de radicalité de la conception du pouvoir, en disant c'est la domination ou ce n'est rien. Car on nie la réalité des femmes violées, on nie la réalité des femmes harcelées. Donc moi, je vais vous dire, non, c'est tout à fait la réalité. Et elle a raison sur ce point d'insister. Butler essaie juste de déplacer un tout petit peu le prisme en disant, d'accord, il est sûr que cette domination a ces effets-là. En revanche, on a quand même besoin d'une conception du pouvoir un peu différenciée qui nous permette de penser justement que le pouvoir ne s'abat pas sur tous les corps de la même manière, avec les mêmes outils. Oui. Et que vous parliez de brèche, mais ce n'est pas vraiment tout à fait une brèche. C'est qu'encore une fois, il n'y a pas de point de vue extérieur à la société qui nous permettrait de juger de ce qui s'y passe. On est tous dedans. Oui. Donc on est dans la texture de la vie. Il faut bien qu'on négocie avec ce pouvoir. Quand on reçoit une violence ou un pouvoir, on négocie, on résiste. De toute façon, dès qu'il y a pouvoir ou souffrance, il y a résistance. Oui, c'est l'histoire du féminisme. C'est ce que je voulais suggérer. Oui, mais je pense que Butler décale un petit peu cette histoire en disant que ce n'est pas trop une question de est-ce qu'on doit trouver des idées de justice ou d'égalité qui conviennent à tout le monde. Ce n'est pas ça l'idée. C'est quels sont des sujets qui résistent dans la société et comment on comprend cette résistance aussi à leur échelle, pas simplement à l'échelle du droit et des normes juridiques. Alors il y a une philosophe, donc c'est la quatrième personne que je voulais qu'on évoque ce matin, qui s'appelle Martha Nussbaum, née en 1947, qui est rentrée dans ce débat. Alors Martha Nussbaum, elle a travaillé sur les émotions politiques, elle était une spécialiste aussi de la philosophie grecque ancienne, elle a écrit un livre important en 1986 là-dessus, La fragilité du bien, fortune et éthique dans la tragédie et la philosophie grecque. Et elle a fait une rencontre décisive avec l'économiste et philosophe indien Amartya Sen dans les années 1990, qui l'a conduit à réfléchir aux femmes très pauvres dans des pays vraiment très rudes en termes de développement économique. Et elle a publié deux livres importants, Sex and Social Justice en 1999 et Women and Human Development en 2000. Et en 1999, elle a fait un texte très sévère, très rude sur Butler, en disant que Butler, bon d'abord elle jargonne beaucoup, un style très ampoulé, ça c'est peut-être pas tout à fait faux, mais bon, c'est le fond qui m'intéresse plus ici. Elle dit, mais au fond Butler, elle parle du symbolique, de comment on peut subvertir des identités dans la manière de vivre le genre et de le subvertir de l'intérieur, et elle a déserté le terrain plus matériel des luttes sociales dont Nussbaum s'occupe et dont, me semble-t-il, les deux personnages que nous avons évoqués avant, Crenshaw et MacKinnon, s'occupent aussi par le droit, etc. Comment vous, qui aimez beaucoup Butler, Marie Lelier-Simon, vous réagissez à cette critique ? Alors, il y a beaucoup de points à aborder. Sur le statut de cet article, sur le fond comme sur la forme, c'est quand même un très très mauvais article. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'était un statut d'un texte quand même très compliqué. Bon, sur l'effectivité politique de Butler, Butler n'a pas du tout déserté les luttes matérielles. Mmh. Butler ne fait que penser, en fait, les conditions de la résistance matérielle. Justement, elle fait beaucoup plus de place aux communautés qui résistent, aux sujets qui résistent, que les féminismes libéraux. Au sens américain. Ouais. Oui, au sens américain, et individualiste ou capitaliste ou même radical. Donc elle pense vraiment la possibilité de sujets, par exemple non binaires ou trans ou queer. Tout ça, c'est des choses que Judith Butler peut penser et elle peut penser leur résistance. Martha Nussbaum ne pense pas du tout la résistance des sujets. Dans les pays sous-développés, avec beaucoup de pauvreté, de femmes, elles travaillent. Pour le coup, on peut peut-être dire qu'elles travaillent quand même précisément sur le sujet de l'amélioration du sort des femmes dans ces pays, non ? Elle travaille sur l'amélioration du sort la des femmes. La notion de capacité, c'est une notion idéale, en fait, la notion des capacités, comme je disais tout à l'heure, c'est une notion abstraite. C'est-à-dire que Martha Nussbaum, elle a l'idée d'un être humain abstrait et de ce que sont ses capacités, de ce que doit être la justice et l'égalité en fonction de ses capacités. Et donc, on va essayer de ramener tous les états de fait qui dérogent à cet idéal normatif, à cet idéal-là. Sauf que Martha Nussbaum a donc une conception de l'universel, c'est-à-dire de ce que doit être universellement accepté comme juste, comme moral, etc. Elle a donc cette conception de l'universel sans se poser la question peut-être de ce que l'universel doit aux particularités, en fait, de ce que l'universel doit à cette résistance à ces sujets. Et il me semble quand même assez ironique que Martha Nussbaum, qui veut absolument qu'on traite tous les autres comme des fins et non pas comme des moyens, reprenant la théorie kantienne, ne fasse que traiter Judith Butler dans cet article de moyens et non pas de fins. C'est-à-dire qu'elle l'utilise complètement pour faire une distinction entre la bonne philosophie et la mauvaise philosophie, entre les bonnes féministes et les mauvaises féministes. Et ça, je pense que c'est notamment, c'est très délétère pour le débat public et pour la pensée en général de les opposer, parce que il y a de la place pour MacKinnon et pour Butler. Il y a de la place pour des approches juridiques et des approches sociales. Mais nous, précisément ce matin, on pense que les désaccords sont très riches, très féconds. Non, mais je voudrais juste ce que Butler pense, si d'ailleurs, beaucoup pas. Plus que Butler pense que les désaccords et les contradictions, les tensions sont beaucoup plus fécondes. Oui, oui. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de Nussbaum, qui veut imposer arbitrairement une sorte Entendu. De norme. On a très bien compris votre attachement à Butler et votre hostilité claire à cet article de Nussbaum qui critique Butler. Et vous l'avez argumenté. Je voudrais avoir l'avis maintenant sur ce point de Misha Schumann. Je pense que pour moi, l'article, c'est vrai que c'était un article qui a provoqué énormément de débats. Pour moi, je pense aussi, il faut voir, il y a de la place pour MacKinnon et pour Butler. Il n'y a pas, je pense que ça, c'est pas la question. Je pense que où le problème, pour moi, ça devient, et je pense que quand même, ce que Nussbaum évoque dans son article, c'est c'est aussi un changement dans le féminisme l'époque de l'action à des idées abstraites dans les unités. Et je pense c'est assez précis qu'elle dit. Et je pense que cet aspect-là, je ne parle pas de ce qu'elle critique de Butler, mais je pense que l'aspect d'aller de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes et d'aller de remplacer ça par des débats universitaires, je pense que cet aspect, ce que Nussbaum évoque, c'est quand même important d'en parler. Je pense que, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour les idées de Butler. Et donc là-dessus, je rejoins. Mais pour MacKinnon, je pense que ce qui m'étonne là-dedans, c'est que elle voit ça comme une lutte des idées, mais surtout juridiques. Ouais. Et je pense que on peut, et par exemple, si on revient à MeToo, c'est MeToo, c'est qui est récent pour nous, mais MeToo a ses origines dans le travail de MacKinnon. Et MeToo, ce n'est pas seulement quelque chose de légal ou juridique, c'est un mouvement social. Mais autant de vous êtes d'accord, de Butler, de Crenshaw, peut-être même de Nussbaum, enfin, absolument, n'est-ce pas ? Exactement, tout à fait. Mais je pense que tout ça, donc, je pense que les deux travaillent, les quatre ce matin, parce que Nussbaum compare un peu MacKinnon et Butler, mais les quatre sont importantes pour le moment où on en est maintenant, et je pense qu'il faut comprendre ça. Mais je pense que pour l'article de Nussbaum, ce que j'ai pris de ça, c'est que il y a quand même, on peut pas remplacer des choses concrètes juste par des débats abstraits. Donc c'est ce que j'ai lu C'est ça qu'elle dit, vous pensez, de Butler? Je pense. Elle a raison de souligner, ou au contraire, elle a tort? Là-dessus, je pense que c'est quand même un des points qu'elle évoque dans cet article. Oui. Et je pense que c'est un point important d'en parler. Et en même temps, vous êtes d'accord que sur la question des genres, binaires, non-binaires, il y a des enjeux juridiques aussi, il y a des enjeux matériels d'une certaine façon, non ? Absolument. Et je pense qu'une chose qui est aussi importante de se rendre compte chez Catherine MacKinnon, c'est que Elle est, par exemple, inclusive des femmes trans, des personnes non binaires. Elle est une des rares féministes de cette second vague, second wave, qui fait ça. Donc c'est quand même, je pense que elles sont pas opposées là-dessus. C'est juste la façon dont c'est fait. Une chose aussi importante de Judith Butler que je dirais, c'est qu'elle ne croit pas tout à fait dans la liberté d'identité complète. Ça, c'est important de mentionner. Donc, Can't stay at home, can't stay in school. Old folks say you pull it. une chanson où une femme dit « Voilà, j'arrive, je vais vous séduire, messieurs ». C'est « Cherry Bomb » de The Runaways, un titre de 1976. Je vous remercie beaucoup toutes les deux, Micha Schumann et Marie L'Ollier-Simon, pour vos éclairages sur l'état du débat féministe américain. Nous n'avons assouplir ou minimiser les différends, il y en a. Nous pensons que c'est assez riche pour réfléchir. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Vance. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi parle-t-on de fin de vie ? Au-delà de l'opposition inévitable et traditionnelle entre la vie et la mort, qui fait que, effectivement, la vie humaine est finie, qu'il y a une finitude en général et que nous sommes tous mortels, une étrange notion est apparue dans l'éthique et la bioéthique occidentale, au moins, ou en tout cas dans les démocraties, c'est la notion de fin de vie. Une notion qui n'a rien à voir avec la fin de la vie. La fin de la vie, c'est toujours une notion qui existe, bien entendu, mais qui se marque par une forme de continuité. La vie a un début, un milieu et une fin sans rupture apparente, et peut-être d'ailleurs est-ce le cas dans les vies heureuses quand la fin de la vie s'enchaîne un peu naturellement jusqu'à une disparition qui n'est pas marquée par une période tragique, cette période justement qu'on appelle la période de fin de vie. La période de fin de vie est au contraire définie, je dirais, par une discontinuité qui est médicale, qui est morale et dont le nœud est justement dans cette définition temporelle qui noue le médical et le moral. D'un point de vue médical, la notion de fin de vie, c'est précisément le moment où, au-delà de ce qu'on appelle le soin curatif qui peut éviter la mort, on entre dans le soin palliatif qui est une forme absolument fondamentale du soin qui consiste encore à éviter le négatif vital par excellence qui n'est plus la mort, tragiquement certes, mais qui est la souffrance d'un individu humain. On entre dans ce soin palliatif avec malgré tout des limites, là aussi, le moment où le soin palliatif engendre plus de souffrance qu'il n'en compense, qu'il n'en répare. Et c'est ce moment qu'on appelait aussi celui de l'acharnement thérapeutique ou de l'obstination déraisonnable qui amène à des choix tragiques, déjà autorisés par la loi dans certains pays comme la France, d'interrompre les traitements et d'entraîner la mort même indirectement. La fin de vie, c'est donc ce moment tragique où la médecine bascule en continuant de lutter contre la souffrance mais ne peut plus lutter contre la mort et où le choix humain aussi, qui est fondé moralement sur le fait d'éviter la mort aux autres, ce choix humain et à soi-même peut être tragiquement conduit à cette expérience de choisir la mort comme un mal relatif, un moindre mal par opposition à une souffrance que certains ont caractérisée comme pire que la mort. La notion de fin de vie, qu'on autorise ou non tel ou tel choix, est de toute façon marquée par ces choix tragiques. L'expérience de la fin de vie, ou plutôt la définition de la fin de vie, la charnière du médical et du moral, donc dans cet espace toujours lié à la fois au soin médical, même s'il touche sa limite, même si on passe à un au-delà du soin, à une notion d'aide qui va dépasser le soin proprement dit, même si on entre dans une nouvelle dimension morale, cette notion de fin de vie est donc d'abord définie, peut-être le plus tragique de tout dans cette notion. Merci Frédéric Worms, encore merci à Marie L'Ollier-Simon et Micha Schumann pour leurs analyses du féminisme américain. Je rappelle que Micha Schumann a coécrit avec Catherine McKinnon Le viol redéfini, cette critique de la catégorie du consentement qui constitue le tout dernier ouvrage directement en français grâce à vous de McKinnon chez Flammarion. Les références globales de vos travaux sont sur notre site. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin. Merci. Merci au reste de l'équipe également, Antoine Ravon, Carla Michel, Chaïma Gibois et Axel Dubois. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!